blab, tu bla bla, tu bla bla, tu bla bla. Thank you.

Give me the fucking beast. is the earth, and in the ground is creation. Dans une pomme, j'aurais voulu tomber dans l'univers. Je n'aurais jamais été, je n'aurais jamais su. Du coup, tout ça serait devenu que de la merde. Quand elle ne prend pas le feu. feu, feu, feu ce que je prends pas, feu tout. Il avait dit que ces chaisons-là, on les aime pas, monsieur. Oh, mais c'était, oh, Camardi et la Denise, c'était pas belle du tout. Et ça faisait des grands, dans sa grande soupe froide, et ça faisait des grands, dans sa grande soupe froide. Et puis il y a Frida. Thank you. Bye. Punchline à toi-même. You know punchline for you. You do something sometimes. That. Try yeah, who are yeah, the mistake, right. Who is wrong, mistakes. Who is fake, who play. Mama Africa, Mama Africa. que t'étais thank you. habits or sometimes not habits. Habits or sometimes not habits. So habits or sometimes not happens. Happens or sometimes not happens. Happens, happens, happens, happens, happens, happens, happens, happens, happens, happens.